montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Natongo tona pokwa na moito na butu yokoti kalanza beo yanga. Kaoli kolo eko zonga te soki eko kisi misalate ata mole iya butu eko umela suka suka tongo eko suka sena kutana ata makasi abo moto pe silingai. Je prie tout par celui qui me fortifie. Tongo tongo na koso ma papo na komata car la force de Dieu s'est révélée dans ma faiblesse. Simbola, simbola. Monisa Benguia. Alinga kinga na salama ngai na numwana moke. Bitumba na ngai si akota pe alonga yango. Alinga kinga na salama ngai na libu mwa mama. Je ne combats pas pour la victoire, mais je suis dans la victoire. Yahweh Simbola. Sing a maseye, eh, jamame.